إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, inshallah, ensemble, c'est une petite introduction au sujet des divergences entre les mazahib. Une petite introduction pour expliquer et clarifier les causes des divergences qui sont apparues entre les différents mazahib. Et c'est tiré de l'explication du Cheikh Mohammed Bazmoul, un d'entre les ulama de Mecca. Et c'est tiré de son livre Muqaddimatun fil fiqh al-islami. Muqaddimatun fil fiqh al-islami. Et c'est un sujet très important pour tout musulman, puisque ça a rapport avec la compréhension de sa religion. Et on sait que, alhamdoulillah, les ulama de l'islam, ils n'ont jamais, en particulier en commençant par les sahaba, radiyallahu anhum, ils n'ont jamais divergé dans les bases de la religion et dans les fondements de la croyance de l'islam, parce qu'ils étaient tous unis sur la croyance qui est établie par le Coran et par la Sunna selon ce qu'ils ont appris directement de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a laissés alors qu'ils étaient tous unis sur les bases et les fondements de la aqida de l'islam. Et c'est uniquement par la suite que les innovations et les bid'ahs, les divisions sont apparues. Sauf que les imams de l'islam, parmi les sahaba, les tabi'un, et les tabi'un tabi'in, et les grands imams de la religion, comme Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i, et Ahmad, rahimahumullah, ils étaient tous sur la même aqidah, et tous sur la même croyance, et les mêmes bases, et les mêmes fondements dans la sunnah. Sauf que dans les questions d'ijtihad et dans les questions qui ont rapport avec le fiqh, il est arrivé plusieurs fois que dans certaines questions, ils ont des divergences entre eux. C'est donc important de comprendre pourquoi ils ont eu ces divergences-là. Et c'était quoi les causes de ces divergences? Parce qu'ils étaient tous sur la aqida des salafs, mais dans la pratique, dans les questions de fiqh et d'ijtihad, ils étaient également sur la compréhension des salafs. Et la compréhension des salafs, quand il y a une divergence, c'est de ramener la divergence aux preuves du Coran et de la Sunna pour trancher et pour connaître la vérité. Donc on va commencer premièrement par une petite présentation cette introduction au sujet de ces quatre grands imams. Parmi les quatre imams de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, et ces quatre imams faisaient partie de nombreux imams, c'est-à-dire qu'à leur époque et avant eux et après eux, il y a eu de nombreux grands savants de l'islam qui étaient parfois aussi grands qu'eux dans la science et dans la piété et dans l'exemple, et parfois même certains qui ont été plus savants qu'eux, hein, avant et après. Toutefois, pour certaines raisons qu'on va expliquer, inshallah, ou qu'on va mentionner, certains de leurs madarib ont été préservés plus que d'autres. Et à la base, ces quatre imams n'ont jamais eu l'intention d'établir un madhab. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas aucun d'entre ces imams qui ont eu l'intention de dire, par exemple, aujourd'hui je vais créer un nouveau madhab. Puisqu'en réalité, le madhab d'un imam, c'est ses opinions et ses positions et ses ijtihadat par rapport à des divergences qu'ils ont dans la façon parfois de comprendre les textes ou des choses de ce genre. Donc ils n'ont pas dit aujourd'hui je vais faire un madhab. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que par la suite, après eux, leurs élèves, certains d'entre ces imams-là, leurs élèves ont préservé leurs positions et leurs opinions et les ont propagées et les ont enseignées dans diverses contrées et diverses villes. Et c'est ce qui a fait par la suite que leurs positions ont été plus connues dans certaines parties du monde musulman que dans d'autres, et que leurs madhahib se sont propagés par la suite. Sinon, hein, il y a eu de grands imams parmi les imams d'Ahl al-Sunnah qui étaient des grands imams également dans le fiqh, mais dont on n'a pas préservé le madhab, hein, puisque les élèves de ces imams-là n'ont pas fait autant d'efforts pour les écrire et pour les préserver et pour les enseigner. Toutefois, c'était quand même des madahib aussi importants que ces quatre grands madahib. Donc, yani, ces madahib de fiqh sont apparus à l'époque des grands imams parmi les mujtahidin, et leurs élèves ont réuni leurs positions et leurs paroles et leurs observations des différents fondements et de la compréhension qu'ils avaient des différents textes, et également de leur manière d'extraire des textes différents verdicts et différents jugements, et yani leur choix dans les divergences, dans les furous et ainsi de suite, dans les branches du fiqh et ainsi de suite. Et donc c'est de là que sont apparus ces différents madahib. Et premièrement, le plus ancien de ces madahib, c'est celui de Abu Hanifa, An-Nu'man ibn Thabit, qui est né, hein, en l'an Sanat al-Thamanin, il est né en l'an 80, et il est mort en l'an 150, c'est-à-dire l'an 150, après la Hijra. Donc il est né en l'an 80 et il est mort en l'an 150. Et il fait partie des grands imams parmi les imams du fiqh. Et certains d'entre les historiens ont affirmé qu'il a rencontré Anas ibn Malik. Donc certains le considèrent comme faisant partie des tabi'in, parce qu'il a vu un sahabi. Mais par contre, il n'a pas entendu de ce sahabi, il l'a seulement vu. Et Abu Hanifa, rahimahullah, fait partie de l'école de l'Irak. Et cette école-là, une de ses particularités, c'est qu'elle s'est basée beaucoup sur le qiyas. Elle s'est basée beaucoup sur le qiyas pour la raison que dans la région de Al-Basra et de Al-Irak, il y avait, attendez, est-ce que c'est, non, donc dans la région de Al-Irak, il y avait beaucoup de gens qui fabriquaient des hadiths à cette époque-là. Et c'est pour cette raison que l'imam Abu Hanifa faisait beaucoup attention aux hadiths qu'il acceptait, et il était très strict justement dans ce domaine-là, et c'est pour cette raison-là qu'il était obligé de laisser de côté beaucoup de hadiths. Et donc, il se basait beaucoup plus sur le qiyas que les autres imams, parce qu'il avait peu de hadiths qu'il pouvait utiliser. Et ça, c'est une des raisons que les ulama ont mentionnées. Toutefois, il rapportait également des hadiths. Et certains de ces hadiths-là qu'il a rapportés sont réunis dans un volume qu'on appelle la Musnad de l'imam Abu Hanifa. Et c'est un très petit nombre de hadiths. Et donc, l'imam Abu Hanifa, l'imam al-Shafi'i, a dit à son sujet que les gens sont tous dans le fiqh considérés comme des enfants de Abu Hanifa. Les gens dans le fiqh sont tous considérés comme des enfants de Abu Hanifa. En ce qui concerne la question du hadith elle-même et de la mémorisation, Abu Hanifa ne faisait pas partie des savants qui étaient au plus haut niveau ou au plus haut degré dans ce domaine-là par contre. Et donc les imams de l'islam ont tous été d'accord pour dire que Abu Hanifa faisait partie des plus grands parmi les imams vers lesquels on retournait et vers lesquels on prenait la science. Et il n'acceptait de personne qu'il soit critiqué. Et qu'est-ce qui lui a été attribué comme parole des gens de Bid'a? Eh bien, il a été affirmé qu'il est revenu sur la plupart de ses paroles. Et sinon, les autres, eh bien, ils considèrent qu'il est tombé dans ces erreurs-là par ijtihad. Et le cheikh, il dit, on demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui donne la récompense de cet ijtihad et qu'il ne le prive pas de son pardon et de sa miséricorde. Parmi les élèves de Abu Hanifa, on compte Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim, qui est mort en l'an 128. Abu Yusuf ibn Ibrahim, qui est mort en l'an 128. Et parmi eux également, un autre de ses plus célèbres élèves s'appelle Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, qui est mort en l'an 189. Et Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani a entendu al-Muwatta de l'imam Malik, il l'a étudié avec lui et il l'a entendu directement de l'imam Malik. Parce que quand son cheikh Abu Hanifa est décédé, il est parti à Médine pour aller étudier avec l'imam Malik. Parce qu'à cette époque, c'était ainsi. Les gens n'étudiaient pas seulement avec un seul savant, ils étudiaient avec parfois des centaines de savants. Et par exemple, on a rapporté à propos de l'imam al-Bukhari qu'il avait plus que 1000 cheikhs. Donc, il n'avait pas que un ou deux cheikhs, mais parfois, ils en avaient des centaines. Donc l'imam Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani a entendu directement de l'imam Malik le livre, son livre de hadith al-Muwatta, et il l'a rapporté al-Muwatta de l'imam Malik, et cette narration de la part de Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, elle est connue et elle a même été publiée, elle existe aujourd'hui, les manuscrits de cette édition là existent et elle a même été publié avec le tahqiq du docteur Abdul Wahhab Abdul Latif. Donc il est disponible aujourd'hui. Et dans cette édition, il y a une édition aussi qui est avec les commentaires de Al-Imam Al-Kanawi, ou Al-Laknawi, et elle est intitulée Al-Ta'liq Al-Mumajjad ala Muwatta Muhammad. Et dans cette version, ou cette narration de Al-Muwatta, il y a beaucoup de fawa'id et de choses bénéfiques en ce qui concerne la science, le fiqh et le hadith. Et par exemple, il y a dans cette narration-là en particulier la narration du hadith « Innama l'a'mal ou bin niyat » Les actions ne valent que selon leurs intentions. Et ce hadith-là, on ne le retrouve pas dans Al-Muwatta, excepté dans cette narration-là et dans une autre aussi. Donc, par exemple, l'imam Al-Hafidh ibn Hajar, dans Fath al-Bari, lorsqu'il parle du livre, ou plutôt du hadith « Innama al-a'malu binniyat », il mentionne que certains ont mentionné qu'on le retrouve dans la Muwatta de l'imam Malik, et il mentionne que ça c'est une erreur. Et l'imam As-Suyuti, dans son livre « Tanwir al-Hawalik », il le corrige. Et il mentionne que elle est effectivement présente, cette narration du hadith, dans la Muwatta de l'imam Malik, sauf que c'est dans la narration de Al-Muwatta de Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Donc il a fait cette correction-là. Et également, qu'est-ce qu'on peut rapporter à ce sujet-là, c'est que dans plusieurs endroits du livre de Al-Muwatta, l'imam Muhammad ibn Hassan al-Shaybani, l'élève de Abu Hanifa, a fait des commentaires. Il a écrit des commentaires. Et chaque fois qu'il trouvait dans la Muwatta de l'imam Malik un hadith qui était en contradiction avec la position de Abu Hanifa, eh bien, il mentionnait qu'il était revenu de la parole de Abu Hanifa. Il revenait sur la position de Abu Hanifa et il disait si mon compagnon, c'est-à-dire l'imam Abu Hanifa, avait lu ce hadith, eh bien, il serait revenu de sa position dans son madhab. C'est-à-dire que l'imam Abu Hanifa avait eu une opinion ou une position dans une question qui a rapport avec le fiqh, mais qu'il avait eu cette opinion ou cette position parce qu'il n'avait pas entendu ou connu le hadith en question. Donc son élève, Muhammad ibn al-Hassan, chaque fois qu'il voyait dans la Muwatta un hadith que l'imam Abu Hanifa n'avait jamais connu, eh bien il revenait sur la position de l'imam Abu Hanifa et il prenait le hadith. Et il a dit que son cheikh, l'imam Abu Hanifa, aurait fait la même chose que lui. Ça nous montre que les ulama, eh bien, ils s'attachaient au hadith. Et ils donnaient au hadith la plus grande importance. Et que lorsqu'ils trouvaient le dalil, ils laissaient de côté leur opinion, qui était en contradiction avec la preuve. Ou bien parfois, c'est que l'imam Abu Hanifa a entendu le hadith, toutefois, la narration qui lui était parvenue n'était pas authentique. Elle lui était parvenue d'une version du hadith, mais avec une chaîne de transmission qui n'était pas authentique, et donc il l'avait déclaré faible, et il ne l'avait pas adopté dans son madhab. Toutefois, l'autre imam, lui, a reçu le même hadith, sauf qu'il l'a reçu par une chaîne de transmission authentique, et donc lui, il l'avait accepté. Et donc c'est pour cette raison-là qu'il y avait une divergence entre les deux. Mais quand le premier entend que le même hadith existe avec une chaîne de transmission authentique, eh bien il revient sur sa position précédente et il adopte la position qui est ramenée par le hadith lui-même. Et donc c'est pour ça qu'on voit que à son époque, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il avait beaucoup de positions qui était basé sur le qiyas ou sur les analogies, mais en même temps aussi, dans plusieurs de ses analogies et de ses opinions, il revient à des paroles des sahaba aussi, et à des paroles des tabi'in, parmi ceux qui étaient dans la ville de Koufa. Et donc, le cheikh, il dit qu'en analysant les positions de l'imam Abu Hanifa, il a constaté que la plupart d'entre ces positions-là étaient tirées des paroles de Abdullah ibn Mas'ud et de Ali ibn Abi Talib et des imams parmi les tabi'in, radiyallahu anhum, comme par exemple Ibrahim al-Nakhai et d'autres. Et tu trouves des fondements des paroles des salafs que l'imam Abu Hanifa a utilisé pour établir et baser son opinion et son madhab. Et donc, ça prouve qu'il ne se basait pas uniquement sur le qiyas, mais il suivait également les preuves, les hadiths et les athars, et ainsi de suite, comme la plupart des imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a, hein, comme tous les imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Maintenant, en ce qui concerne le madhab du deuxième chronologiquement, c'est-à-dire quand on regarde en ordre chronologique, celui qui vient après Abu Hanifa, c'est l'imam Malik. Et son nom, c'est Malik ibn Anas al-Asbahi. On l'appelle aussi Imam Dar al-Hijra ou Alim al-Madina, l'imam de Médine. Hein? Et il est né en l'an 93, après la Hijra. Et il est mort en l'an 179. Donc on peut comprendre de toute façon ici que Abu Hanifa et Malik ne se sont jamais rencontrés. Sauf qu'il y a un lien entre les deux, si on veut, d'une certaine façon, par les élèves de l'imam Abu Hanifa, hein, l'imam Muhammad ibn al-Hasan, qui a étudié avec l'imam Malik. Hein? Donc il y a un lien quand même. Hein? Et la plupart des élèves, la plupart des imams, vous allez remarquer qu'il y a des liens entre eux. Soit qu'ils se sont rencontrés directement et qu'ils ont étudié les uns avec les autres, ou bien qu'ils ont eu des élèves en commun. Hein? Donc ça prouve qu'ils étaient tous ensemble et sur la même voie et sur les mêmes fondements et les mêmes bases, hein, dans l'aqidah et dans leur façon de retourner aux preuves et aux fondements de l'islam. Donc l'imam Malik ibn Anas, l'imam du monde à son époque, c'était le plus grand, ou un des plus grands savants de son époque, et il était célèbre et connu par tous les savants du monde à l'époque. Et il y a même des hadiths qui ont été rapportés que certains savants ont considérés comme étant des hadiths qui pouvaient être appliqués à l'imam Malik. Et bien entendu, certains de ces hadiths-là ont été déclarés faibles par les ulama de hadith, mais certains quand même, en mentionnant ces hadiths-là, ont cité que ça pouvait se référer à l'imam Malik. Et parmi les livres les plus célèbres de l'imam Malik, il y a, comme on a mentionné, le livre de Al-Muwatta, et il y a également des livres parmi les livres de fiqh qui sont parmi les livres les plus célèbres du madhab al-Maliki, un livre qui s'appelle Al-Mudawwana. Al-Mudawwana, c'est un livre qui a été en fait rassemblé par l'imam Al-Asad ibn al-Furat. Asad ibn al-Furat, rahimahullah. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Asad ibn al-Furat, il a pris des questions qui étaient présentes, des questions sur le fiqh, qui étaient présentes dans les livres des ulama de l'Irak, et il les a ramenées à l'imam Malik et lui a posé ces questions. Et il a écrit et enregistré les réponses de l'imam Malik à ce sujet-là. Et donc, c'est devenu un livre, et il a pris ce livre et il a voyagé avec dans le Maghreb. Et il a enseigné ces positions-là de l'imam Malik aux musulmans qui vivaient dans la région du Maghreb. Puis ensuite, après un certain temps, un autre élève de l'imam Malik, qui s'appelle Abdurrahman ibn al-Qasim, est venu à Médine. Il est resté à Médine un long moment. Et il a pris Al-Mudawwana de Asad ibn al-Furat, et il lui a reposé les questions à l'imam Malik. C'est-à-dire, il a posé à l'imam Malik les questions une seconde fois. Et l'imam Malik est revenu sur plusieurs d'entre ces positions qu'il avait mentionnées la première fois quand il a répondu aux questions de Asad ibn al-Furat. Donc, il a changé plusieurs de ses opinions dans son madhab. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite, Abdurrahman ibn al-Qasim? Il a pris ses nouvelles réponses de l'imam Malik, et il est retourné voir Asad ibn al-Furat avec ses nouvelles réponses, et il lui a demandé de corriger les réponses qui ont été données par l'imam Malik dans son ancien recueil. Et Al-Asad ibn al-Furat a refusé. Donc, le livre de Al-Asad ibn al-Furat a été délesté et les gens se sont attachés à Al-Mudawwana qui a été rassemblé par Abdurrahman ibn al-Qasim. Étant donné qu'il avait refusé de répondre à la demande de revenir, hein, sa Mudawwana a été délesté par la suite. Donc Al-Mudawwana de Abdurrahman ibn al-Qasim est resté un des livres les plus connus jusqu'à aujourd'hui dans le fiqh al-Maliki. Donc parmi ses élèves de l'imam Malik, on compte Abdurrahman ibn al-Qasim, qui est mort en l'an 191, et parmi ses élèves également, Abdullah ibn Wahb ibn Muslim, qui est mort en l'an 197, et l'imam Malik, lorsqu'il a parlé de son élève Ibn Wahb, il l'a décrit en disant que c'était le savant de l'Égypte, Faqih ou Misr. Et une des caractéristiques du fiqh de l'imam Malik, c'est le fait de s'accrocher et de suivre les hadiths et les asar, les narrations des salaf. Et il prenait également en considération qu'est-ce qui était appliqué par les gens de Médine à son époque. Hein? Puisqu'il considérait que, yani, il y avait parmi eux beaucoup de gens qui avaient été témoins des actions des Sahaba et, yani, eux qui ont été témoins également de la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il considérait que ces actions-là étaient des actions qui pouvaient être yani pris comme référence dans son fiqh. Et parmi les shuyukh de l'imam Malik, on compte Rabi'atul Ra'i. Et il faisait partie des grands ulama du Hijaz. Et il a profité beaucoup de ce grand imam. Ensuite, il y a l'imam Al-Shafi'i. Son nom, c'est Muhammad ibn Idris Al-Shafi'i. Il est né en l'an 150 après la Hijra et il est mort en l'an 204. Et c'est l'imam Al-Matlabi de la famille de Al-Muttalib. Et il fait partie de Ahlul Bayt. Il fait partie de la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il était un des grands savants, un des plus grands savants de son époque. Et même que certains le décrivaient en parlant de lui, ceux qui ont écrit sa biographie le décrivaient en disant de lui qu'il était comme un soleil pour les gens. Et il a vécu entre l'an 150 et 204, donc c'est un peu entre 50 et 60 ans. Il approchait la soixantaine lorsqu'il est mort, rahimahullah. Et c'est lui qui a été le premier parmi les ulama à établir un livre sur les fondements du fiqh islamique, qu'est-ce qu'on appelle en arabe usul al-fiqh. Et il a rassemblé ces principes-là et ces fondements-là dans un livre qu'on appelle aujourd'hui Al-Arrisala. Et ce livre, il est connu aujourd'hui et il est même publié. On peut le trouver même dans les librairies. Et il a également écrit un livre qu'on appelle Al-Umm. Et c'est un livre dans lequel on retrouve des principes de fiqh établis sur les hadiths et la preuve. Et le livre de Al-Umm, de l'imam Shafi'i, il a été rapporté par son élève Al-Rabi' ibn Sulayman Al-Muradi, qui est mort en l'an 270, et il a été résumé par son élève Abu Ibrahim Ismail Al-Muzani. Et l'imam Al-Muzani, c'est un des imams, parmi les imams des salafs, qui est très célèbre, qui est mort en l'an 264. Hein? Et donc l'imam Al-Shafi'i fait partie des imams du fiqh, parmi les imams du fiqh. Et c'est celui qui a dit, comme on a mentionné tout à l'heure, que tous les gens dans le fiqh sont comme des enfants par rapport à l'imam Abu Hanifa. Et il a fait de longs voyages Hein? Et il a parmi dans ses différents voyages pour chercher la science, il a été dans plusieurs villes. Et quand il était en Irak, il a rencontré l'élève de Abu Hanifa. Il a rencontré l'élève de Abu Hanifa, Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Donc il y a un lien entre lui et également l'imam Abu Hanifa, puisque il a rencontré l'élève de Abu Hanifa. Et il a étudié également avec l'imam Malik. L'imam al-Shafi'i a également étudié avec l'imam Malik. Donc il a étudié avec deux parmi les grands imams des madahib. Hein? Et il a mémorisé directement le livre de Al-Muwatta de l'imam Malik. Hein? Donc c'était un grand savant. Et il a également étudié et il a enseigné également l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc il a été le cheikh et l'élève de l'imam Ahmad. Comme l'imam Ahmad a étudié et a enseigné l'imam al-Shafi'i. Donc, il y a entre les quatre imams, parmi les imams d'Ahlus Sunnah, des liens très proches. Hein, et ils ont tous été les uns, hein, soit élèves des autres ou bien proches des autres. Hein, dans leur compréhension de l'islam et dans leur fiqh et dans leur compréhension de l'islam et dans leur fondement. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, dans différents pays musulmans, qui prétendent ou qui disent qu'ils sont maliki, ou shafi'i, ou hanbali, ou hanafi, mais qui n'ont aucun rapport avec ces imams-là dans leur fondement, puisqu'ils n'ont pas la même aqida qu'eux, ni la même méthodologie qu'eux, ni la même façon de comprendre les textes et les fondements de la religion. Hein? Tous ces quatre imams, parmi les imams, étaient tous sur la aqida des salaf al-salih. Et ils étaient tous sur la compréhension de l'islam selon la compréhension de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Hein? Tandis que la plupart des gens qui aujourd'hui se prétendent suivent ces madahib, en réalité ils ne font que se cacher derrière ces imams. Puisqu'ils n'ont pas la même aqida qu'eux et la même méthodologie qu'eux. Par exemple, certains parmi ceux qui prétendent suivre ces imams, eh bien, dans l'aqida, ils suivent, par exemple, Abu al-Hassan al-Ash'ari, hein? Ou bien al-Maturidi, Abu Mansour al-Maturidi. Et pourtant, Abu al-Hassan al-Ash'ari, il est né en 260, après la Hijra. Donc, il est né après ces quatre imams. Donc, c'est une contradiction de prétendre que ces gens-là suivent les quatre imams dans l'aqida alors qu'ils sont venus après eux et que leur aqida était en contradiction avec la aqida de ces quatre imams. Donc ça c'est un point qui est très important à prendre en considération et à noter en même temps. Et également donc parmi donc comme on a dit l'imam Shafi'i, il a écrit Ar-Risala, il a écrit Al-Umm et il a également d'autres livres aussi qui sont très célèbres. En ce qui concerne l'imam Ahmad ibn Hanbal, son nom c'est Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, il est né en l'an 164 et il est mort en l'an 241. Et c'est le dernier d'entre les quatre imams auxquels on a attribué un madhab parmi les madahib. Et comme on a dit tout à l'heure, il était l'élève de l'imam al-Shafi'i. Et al-Shafi'i était l'élève de l'imam Malik. Hein? Donc, il y a des liens entre eux. Il a pris la science de l'imam al-Shafi'i et il a été très célèbre dans la quête du hadith et dans la science du hadith et dans la recherche du hadith. Il a même un livre qu'on appelle Al-Musnad, hein? Qui est la Musnad de l'imam Ahmad, qui est très célèbre. Et que c'est un livre qui renferme des milliers de hadiths. Hein? Et donc, ça c'est un des exemples et un des signes qui montrent son attachement à la sunna et au hadith. Et en fait, son fiqh, le fiqh de l'imam Ahmad, est considéré comme le résultat du fiqh de l'imam al-Shafi'i, du fiqh de l'imam Malik et du fiqh de l'imam Abu Hanifa. Hein, puisqu'il a profité de ces trois grands imams et de leur science. Et on peut le constater lorsqu'on regarde ses fatwas et les différentes réponses qu'il a ramenées, qui sont établies sur une science. Hein, donc ça, c'est quelque chose qui serait, c'est des choses qui sont établies et claires lorsqu'on observe son madhab et sa façon de répondre. Et également, on connaît l'imam Ahmad sous le nom ou le surnom de l'imam de Ahl Sunnah. Imam ou Ahl Sunnah. Quand on parle de l'imam Malik, on l'appelle l'imam de Ahl Sunnah. Pourquoi? Parce qu'il est parmi les savants, que Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi lorsqu'il y a eu l'épreuve de qu'est-ce qu'on appelle Khalq al-Qur'an, Mihnatu Khalq al-Qur'an. Lorsque certains des Khulafa ont adopté la croyance de la secte des Mu'tazila, Al-Ma'moun et Al-Mu'tasim et Al-Wathiq, trois Khulafa parmi les Khulafa qui ont adopté les croyances de la secte des Mu'tazila, c'est-à-dire la négation des attributs d'Allah et également la négation du qadar et aussi d'autres positions qui sont en contradiction avec les fondements et les principes de la sunna chez les salafs. Donc l'imam Ahmad a tenu tête à cette secte parce que à l'époque de Al-Ma'moun, donc à l'époque de ses khulafa, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'opinion de cette secte, eh bien, on ne lui permettait pas d'être un juge ou d'être un imam d'une mosquée ou de donner des fatwas ou de parler de l'islam ou d'enseigner. Yani, ils étaient pris et parfois même battus, torturés et même tués. Et l'imam Ahmed fait partie des imams de Ahl Sunnah qui ont défendu la vérité et la aqidah d'Ahl Sunnah et la aqidah des salaf sur ces questions-là et qui a résisté jusqu'à la fin. Qui a été torturé et battu, mais qui est resté ferme et qui a refusé d'accepter de dire que le Coran est créé et qui a défendu la croyance de vérité que le Coran est la parole d'Allah et qu'elle n'est pas créée. Et donc, à cause de ça, yani les ulama l'ont appelé l'imam d'Ahl Sunnah. Et donc, comme on a dit, il a écrit la Musnad, et il a écrit également d'autres livres dans lesquels il réfute les gens de Bid'ah et les innovateurs comme Ar-Radd ala al-Jahmiya wa al-Zanadiqa et également Usul al-Sunnah dans lequel il explique les fondements des gens de Ahl Sunnah et beaucoup d'autres livres également comme Al-Su'alat et Al-Ilal wa Ma'rifat al-Rijal et Al-Ashriba et d'autres. Parmi ses élèves, on compte son fils Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, Abdullah ibn Ahmed, qui est mort en l'an 290. Et on compte également Abu Bakr Ahmed ibn Muhammad ibn Hani, qui est connu sous le nom de Al-Asram. Et il est mort en 273. Donc ces quatre mazahib, yani, se sont fait connaître, se sont propagés, se sont dispersés dans différentes régions et ils ont été propagés par ceux qui ont étudié avec ces imams. Ils ont pris leurs opinions et ils les ont répandues dans différentes régions. Et il mentionne, le cheikh également, qu'il y a d'autres madahib, des ulama, qui n'ont pas été préservés par la suite, comme par exemple le madhab de l'imam al-Awza'i. Et l'imam al-Awza'i était l'imam de la Syrie, à l'époque de l'imam Malik. À l'époque de l'imam Malik, il y avait quatre grands savants, parmi les plus grands savants. L'imam Malik, c'était l'imam de Médine. L'imam al-Awza'i, c'était l'imam de la Syrie, l'imam Al-Layth ibn Sa'd, c'était l'imam de l'Égypte, et l'imam Sufyan al-Thawri, c'était l'imam de l'Irak et de Al-Basra. Donc c'était à cette époque-là les quatre grands imams. Tous ces quatre-là ont un madhab. Sauf que parmi ces quatre, c'est seulement le madhhab de l'imam Malik qui est resté. Et l'imam Shafi'i, par exemple, qui a étudié avec l'imam Malik, quand il est parti pour étudier avec l'imam Layth ibn Sa'd en Égypte, eh bien, il est arrivé et l'imam Layth était déjà mort. Rahimahullah. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étudié avec les élèves de l'imam Layth ibn Sa'd. Et il a conclu, après avoir étudié avec ses élèves, que l'imam Layth ibn Sa'd était plus était afqah min al-imam Malik. Il dit que Layth ibn Sa'd afqah min al-imam Malik, c'est-à-dire il avait plus de fiqh, plus de compréhension que l'imam Malik. Et donc il y a le madhhab de l'imam Layth qui n'a pas été préservé, le madhhab de l'imam Al-Awza'i qui s'appelle Abdurrahman ibn Amr ibn Abi Amr Yahmad al-Shami al-Dimashqi Abu Amr al-Awza'i, il est mort en l'an 157. Et le madhhab de Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri, qui est mort en l'an 161. Et il y a également le madhhab de l'imam Dawood ibn Ali al-Zahiri, qui est mort en l'an 270. Et il y a d'autres également, comme on a mentionné, celui de l'imam Al-Layth ibn Sa'd, et d'autres parmi ces grands imams qui ont eu des madhahib aussi, comme l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, et d'autres, mais leurs madhahib n'ont pas été préservés. Il faut dire aussi que le madhahib des sahaba n'ont pas été préservés non plus. Hein? Et le madhahib de plusieurs d'entre les tabi'in n'ont pas été préservés. Hein? Donc c'est pour faire comprendre que ces madhahib n'ont pas été établis avec l'intention de rester. Ce n'était pas l'opinion ou l'intention de ces grands imams. Mais c'est des choses qui se sont produites par la suite pour différentes raisons et pour différents facteurs. Hein? Et il y a d'autres madhahib qui sont très peu répandus, comme le madhhab al-Zahiri, qui existe un peu aujourd'hui, mais qui est très peu répandu, qui a comme référence, par exemple, le livre de Al-Muhalla de l'imam Ibn Hazm al-Andalusi. Hein? Et une des particularités des fondements de ce madhhab, c'est qu'ils ne prennent pas en considération le qiyas. Ils ne prennent pas le qiyas en considération. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah ont réfuté ce point de vue-là du madhhab zahiri, parce que certains parfois ils accusent l'imam Ibn Taymiyyah d'être un zahiri, et c'est une fausse accusation, parce que l'imam Ibn Taymiyyah prenait en considération le qiyas, hein, et son élève Ibn Qayyim aussi la même chose. Et si vous voulez par exemple plus d'exemples à ce sujet-là et lire les explications à ce sujet-là, il y a le livre de l'imam Ibn al-Qayyim qui s'appelle I'lam al-Muwaqqi'in. Et bien dans ce livre, il mentionne les arguments pour réfuter les zahiriyyah sur la question du qiyas. Et il y a également d'autres madahib qui ne représentent pas Ahlus Sunnah wal Jama'a. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes fondements que Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et parmi ces madahib, on a l'exemple des madahib des gens de bid'ah et des différentes sectes, comme par exemple le madhhab des Shi'a Zaydiya, hein, qui ne représente pas Ahlus Sunnah wal Jama'a, parce qu'ils n'avaient pas la même aqidah et les mêmes fondements que les imams, hein, de Ahlus Sunnah qu'on a mentionné. De même que le madhhab qu'on appelle le madhhab des Shi'a al-Ja'fariya. Hein? Eh bien, ça c'est un madhhab aussi qui n'a rien à voir avec les madhhab d'Ahlus Sunnah, et que hein, on ne prend pas comme référence et qu'on ne considère pas, parce que parmi leurs fondements, il y a des fondements qui sont en contradiction avec les principes d'Ahlus Sunnah wal Jama'a. Il y a également le madhhab des Ibadiyya, qui font partie des différentes sectes des Khawarij. Hein? Et il y en a beaucoup d'autres aussi. Et par exemple, juste pour vous montrer un exemple des problèmes qui sont en contradiction avec les principes d'Ahlus Sunnah, c'est que pour les ulama d'Ahlus Sunnah, Les fondements et les bases dans le fiqh sont premièrement le Coran et deuxièmement la sunna et ensuite l'ijma. Tandis que pour les sectes et les gens d'égarement, eux, ils cherchent parfois à rajouter dans les références et dans les sources de la connaissance des principes ou des idées ou des choses qui ne font pas partie des références. Comme les Rafida, par exemple, eux vont rajouter en premier, même avant le Coran et la Sunna, les opinions des 12 descendants de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de Ali ibn Abi Talib. Hein? Et ils rejettent les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sont rapportés par les sahaba parce qu'ils font le takfir des sahaba. Puisque pour eux, tous les sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont devenus kuffar, excepté un petit nombre, 5 ou 6 d'entre eux, qui n'ont pas quitté l'islam selon eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis Ali radiallahu anhu comme khalifa selon eux. Donc, puisqu'ils n'ont pas accepté Ali radiallahu anhu comme khalifa, ils sont tous devenus des apostats. Ils ont tous quitté l'islam. Hein? Et ils font parmi les principes de leur religion, c'est qu'il faut insulter Abu Bakr et Omar et Uthman radiallahu anhum et le reste des sahaba. Et c'est pour ça que pour eux, les hadiths qui sont dans Al-Bukhari et Muslim, et dans Sunan Abi Daoud et Al-Nasai et Al-Tirmidhi et Ibn Majah et les autres Sunan et Al-Muwatta de l'imam Malik et Al-Musnad de l'imam Ahmad et les autres livres de hadiths, pour eux sont des hadiths qui sont faibles ou qui sont rejetés parce qu'ils ne prennent pas les paroles qui viennent des sahaba. Et ils font, comme j'ai dit, de leur religion, pour eux ils pensent que quand ils insultent les sahaba et les épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils pensent qu'ils gagnent des hasanats en faisant ça. Hein? Et ils pensent que leurs imams, ceux qu'ils prennent comme les 12 descendants de Ali radiallahu anhu, eh bien, ils inventent des paroles fausses à leur sujet. Parfois, ils leur prêtent des propos qui sont en complète contradiction avec la réalité de ce que ces descendants-là croyaient et suivaient, parce qu'ils étaient des gens qui étaient sur la sunna, comme Ali radiallahu anhu et Al-Hassan et Al-Hussein et d'autres également parmi les descendants de Ali, ils n'étaient pas des chiites, hein, et également parce qu'ils prétendent qu'ils ont une connaissance du raid et qu'ils peuvent contrôler le monde ou des choses de ce genre et qu'ils savent avant même de venir au monde, ils savent quand est-ce qu'ils vont mourir à l'avance et que y a plein d'autres khurafats que ces gens-là ont inventé à leur sujet. Et par exemple aussi parmi leurs religions, c'est qu'ils adorent les tombes et les morts et ils font des pèlerinages à leurs tombes et ils vont même construire des mosquées sur leurs tombes puis les adorer et leur demander d'exaucer leurs invocations et leurs doigts. Et ça c'est du shirk, hein? Ça c'est qu'est-ce qu'on appelle une forme d'idolâtrie, du shirk akbar. Et si quelqu'un fait ça, il a quitté l'islam. Il n'est plus musulman, même s'il dit qu'il est musulman, et même s'il fait la salat, et même s'il fait le hajj, et même s'il donne la zakat, et même s'il fait le jeûne du ramadan, et même s'il s'abstient de tout ce qui est haram en dehors du shirk, il est considéré comme un mushrik. Donc ça c'est pour vous faire comprendre que ces gens-là, ils ont placé devant le Coran et la Sunna des choses qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et donc on ne veut pas les considérer comme étant ou comme faisant partie des gens qui sont sur la voie des gens de Ahlus Sunnah. Maintenant, en ce qui concerne les fondements des madahib, quand on regarde par exemple, on voit que leur fondement, comme j'ai dit, c'est Al-Kitab, Al-Sunnah, Al-Ijma' ou Al-Qiyas. Hein? Certains, ils ont rajouté, ça c'est pas les Shia, mais d'autres groupes d'égarement, eux ils ont rajouté dans leur fondement par exemple les rêves. Et ils pensent que qu'est-ce que leur imam ou leur cheikh voit dans un rêve, que ça fait partie de la religion pour eux. Et ils se basent sur ça pour établir la religion. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Al-Yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Donc si quelqu'un vient après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il prétend qu'il a appris quelque chose dans un rêve ou en état d'éveil qui est nouveau, qui ne fait pas partie du Coran et de la Sunna, ou qui est en contradiction avec ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, eh bien c'est comme s'il a accusé la révélation d'être incomplète. Et il accuse le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir trahi la révélation et le message d'Allah et de ne pas l'avoir transmis dans son entièreté. Et ça c'est une grave insulte et une grave accusation contre la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison là que ces gens qui croient en ce genre de choses et qui se réfèrent à ces choses là eh bien eux aussi ont contredit un des principes parmi les principes des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, puisqu'ils prennent pour référence et fondement des choses qui ne sont pas parmi les références et les fondements de l'islam. Donc si on demande, n'est-ce pas que le Coran et la Sunna et l'Ijma et le Qiyas font partie des fondements des madhahib? La réponse est certes oui. Et si on demande, mais dans ce cas-là, pourquoi il y a des divergences et pourquoi elles ont divergé? Il reste combien de temps? Ok, khair, inshallah. Donc pourquoi ils ont divergé et pourquoi il y a des divergences entre ces madhahib? Eh bien, le cheikh, il répond. Il dit, premièrement, parce que il faut comprendre en premier que les questions de fiqh sont de deux catégories. Il y a les questions de fiqh dont les preuves sont claires, explicites et apparentes, et que c'est obligatoire de les suivre. Hein? Et il y a, donc, ça c'est, il y a des questions de fiqh que, depuis que quelqu'un trouve cette preuve et ce dalil, il sera obligé de le suivre. Et ne pourra pas le contredire. Parce que c'est des choses qui sont trop claires, trop apparentes. Si quelqu'un contredit dans ces principes-là, ça veut dire qu'il suit sa passion et qu'il est dévié. Puis il y a d'autres questions dans les questions de fiqh qui sont basées sur l'ijtihad. C'est-à-dire basées sur l'effort d'analogie ou de compréhension qu'un savant va faire pour arriver à trouver la position correcte dans des questions sur lesquels il y a divergence ou bien sur lesquels il y a différentes façons de comprendre les textes. Et par exemple, pourquoi? Parce que parfois on voit que les preuves sont en apparence en opposition. Il va trouver une apparente opposition entre les textes. Ou parce que le texte en question ou la preuve en question ne lui est pas claire. Hein, et donc, à cause de ça, il va faire une ijtihad ou un qiyas pour arriver donc à trouver une réponse à cette question et il va prendre en considération l'intérêt ou le bienfait le plus grand et ainsi de suite. Et dans ces questions-là, il peut y avoir des divergences et c'est ce qu'on veut dire dans les paroles des savants lorsqu'ils disent la inkar fi masa'il al-khilaf. Donc qu'il y a des divergences dans ces questions d'ijtihad, c'est pas grave, hein, du moment que chacun de ces savants cherche la vérité avec sincérité et qu'il arrive à une opinion en se basant sur les fondements et les principes et les textes et qu'il fait son possible pour arriver à la vérité, et s'il a la bonne réponse à cette question, il aura deux hasanat ou deux récompenses. Et s'il se trompe, eh bien, il aura une au lieu de deux, et il ne sera pas considéré comme quelqu'un qui a fait un péché, puisque il a fait ce qu'il pouvait selon la science qu'il avait. Et lorsque le savant regarde une question, il passe par certaines étapes quand il analyse les choses. La première étape, c'est qu'il regarde la preuve et est-ce qu'elle est authentique. Donc il regarde la preuve elle-même et est-ce qu'elle est authentique. Ça c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est de regarder la preuve elle-même et de voir qu'est-ce qu'elle prouve cette preuve. Vers quoi elle indique et c'est quoi qu'elle nous montre. C'est quoi qu'elle prouve, elle est une preuve pour quoi en réalité. Ça c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est de regarder le texte ou la preuve elle-même et de regarder est-ce que cette preuve-là elle est muhkam ou bien elle est mansour. Peut-être que c'est un texte qui est authentique et qui indique et qui est une preuve pour la question, sauf qu'elle a été abrogée par quelque chose qui est venu par la suite. Et donc, elle n'est plus applicable. Et il faut retourner à l'abrogeant. Et la quatrième étape, c'est de regarder pour comprendre est-ce que ce texte, il a quelque chose qui vient s'opposer à celui-ci ou en contradiction avec celui-ci. Donc, lorsque le savant a pris tout ça en considération et il a regardé ces étapes, eh bien, on peut comprendre que les divergences entre les ulama dans les différentes questions reviennent à certains points. Par exemple, le cheikh explique que parfois, les causes de ces divergences-là reviennent au fait que pour certains d'entre eux, la preuve en question, elle n'est pas authentique. Tandis qu'elle est authentique pour les autres. Peut-être parce que, comme j'ai mentionné tout à l'heure au début, que certains ont reçu le hadith par une chaîne de transmission authentique et les autres l'ont reçu par une chaîne de transmission dans laquelle il y avait un menteur ou il y avait quelqu'un qui était accusé par rapport à sa mémoire qui était faible ou une autre raison, tandis que ce n'était pas le cas pour l'autre. Et donc, un l'a pris et l'autre ne l'a pas pris et donc, ils ont eu à la fin des conclusions différentes. Et si, par exemple, donc comme c'est ça, c'est, si un il n'a pas pris la preuve, c'est parce que pour lui elle n'était pas authentique. Ou bien parfois parce qu'il n'a même pas reçu le hadith du tout, c'est-à-dire le hadith ne l'a jamais atteint. Parce qu'on sait que, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les sahabas se sont dispersés dans différentes régions. Et donc certains ont amené avec eux des hadiths qu'ils ont entendus du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'autres sahabas ont ramené ailleurs d'autres hadiths qu'ils ont entendus que peut-être les autres sahabas n'avaient pas avec eux. Et c'est pour cette raison-là que au début, lorsque les ulama ont commencé à rassembler les hadiths, eh bien ils voyageaient d'une ville en ville justement pour rassembler ensemble tous les hadiths qui avaient été dispersés. Et donc, en particulier au début des premiers siècles de l'islam, eh bien, les savants jugeaient et faisaient leur ijtihad avec les preuves qu'ils avaient disponibles et qui étaient à portée de la main, ceux qu'ils avaient avec eux. Tandis que plus tard, par la suite, quand les livres de hadith ont été rassemblés, comme tantôt je vous ai parlé de l'imam Ahmed, eh bien, l'imam Ahmed qui a écrit Al-Musnad de l'imam Ahmed, eh bien, il a été le cheikh de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim. Il était le professeur ou un des professeurs de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim. Et également de Abu Daoud. Donc, ça veut dire que ces savants-là, par la suite, ont récolté plusieurs hadiths qui étaient dispersés, ils les ont rassemblés dans leurs livres, et que les savants qui sont venus par la suite ont eu accès à un plus grand nombre de hadiths réunis, sans avoir à faire tout le travail de rassemblement qui a été fait par les premiers savants de hadith. Et donc, ils avaient à leur disponibilité plus de preuves, plus de références pour arriver à un jugement et à une opinion qui est plus proche de la vérité par rapport à ceux qui avaient une connaissance ou une limite. Parce que peu importe si on regarde les quatre madahib ou d'autres même parmi les ulama, on constate qu'ils ne sont pas tous au même niveau dans la science. Et on constate, une autre chose importante, c'est qu'aucun d'entre eux n'était infaillible. Il n'y a aucun de ces imams qui allait dire, moi je connais tout, les hadiths. Et moi, il n'y a rien que je... C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose dans laquelle je ne peux pas me tromper. C'est-à-dire, je suis protégé de l'erreur. Il n'y en a aucun d'entre les imams qui prétendait ça. Et du moment qu'on est conscient de ça, ça nous aide à comprendre par la suite que ils vont avoir raison dans certains de leurs ijtihad et ils vont se tromper dans certains de leurs ijtihad. Et justement, c'est pour ça que à ce sujet-là, les imams des madarib eux-mêmes, lorsqu'ils enseignaient leurs élèves, ils leur enseignaient ce manhaj. Hein? Et ça a été rapporté de plusieurs d'entre les imams des madarib, justement, qu'ils disaient « Iza sah al-hadith, fahuwa madhabi. » Si le hadith est authentique, alors c'est mon madhab. Hein? Et cette parole, elle a été rapportée par Abu Hanifa et d'autres également parmi les imams. L'imam Malik disait, rahimahullah, إنما أنا بشر أختي وأصيب فانظر في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. L'imam Malik, rahimahullah, il disait, je ne suis qu'un être humain. Je peux avoir raison et je peux me tromper. Alors regardez mon opinion et tout ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna dans mon opinion, prenez-le. Et tout ce qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna dans mon opinion, abandonnez-le et délaissez-le. Hein? Parce qu'il n'y a aucun des imams qui appelait les gens à être fanatiques et à les suivre aveuglément dans tout ce qu'ils disent. Et de croire que tout ce qu'ils pensent ou tout ce qu'ils disent comme parole ou position ou fatwa, que c'était la vérité absolue. Sinon, ça voudrait dire que on n'avait pas un seul prophète, on avait quatre prophètes. Qu'on n'a pas une seule charia, mais qu'on a quatre charia. Et ça c'est un mensonge. Et ça c'est faux. Et donc on revient par exemple, parce que les autres imams Shafi'i et l'imam Ahmad, eux aussi ont insisté sur ces points-là, sur le fait de revenir à la preuve et au dalil, hein, et ils ont toujours insisté sur ce point-là, de revenir aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de ne pas les suivre eux aveuglément. Il y en a, comme l'imam Shafi'i, il a dit, si vous voyez que je mentionne un hadith, et que je ne l'applique pas, alors sachez que j'ai perdu la tête. Sachez que j'ai perdu la tête. Et une fois, il a rapporté un hadith, et un de ses élèves a dit, est-ce que tu vas appliquer ce hadith-là? Il a dit, est-ce que tu m'as vu sortir d'une église ou d'un monastère pour que je rapporte un hadith puis que je ne l'applique pas? Hein? Donc ça, c'est des exemples comment les imams étaient fermes et accrochés à la sunna. C'est ça. Des fois, les deux savants pouvaient avoir reçu le hadith et que pour les deux, il était authentique. Sauf que un savant a compris le hadith d'une façon et un autre l'a compris d'une autre façon. Hein? À cause de leur compréhension qui était des degrés et des niveaux différents. Et donc, il y a plusieurs points et plusieurs choses qui peuvent faire aussi qu'il y a des différences. Comme par exemple, un savant peut obtenir un hadith et il voit qu'il est mansour, tandis que l'autre, il ne l'a pas considéré mansour parce qu'il n'a pas trouvé qu'est-ce qui est venu l'abroger. Alors il l'a appliqué, tandis que l'autre, il n'a pas pris le hadith. Hein? Et donc, c'est ça qui a fait en sorte que par la suite, il y a eu des divergences entre les ulama et ils sont venus avec des verdicts différents. Et donc, ça c'est les causes pour lesquelles il y a eu des divergences entre les imams. Et il y a des ulama qui ont écrit des livres à ce sujet-là, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a écrit un livre qui s'appelle « Raf'ul Malam an al-A'immatil A'lam » ou « An A'immatil A'lam ». Et l'imam al-Shatibi, il a lui aussi parlé de ce sujet-là dans son livre « Al-Muwafaqat ». Hein? Et il y a d'autres savants qui ont parlé de ce sujet-là en détail et qui ont vraiment approfondi le sujet. Qu'est-ce que le musulman doit faire lorsqu'il y a des divergences et qu'il trouve des divergences? Eh bien, ça va dépendre de l'état et de la situation de cette personne. Soit s'il est un mujtahid, ou qu'il est un muttabi', ou bien qu'il est un ammi. Et le mujtahid, c'est celui qui est capable de regarder dans la preuve et d'extraire les différentes questions et les verdicts de ces textes-là directement. Hein? Et il y a des degrés dans les degrés de mujtahidin. Il y en a qui sont mujtahid mutlaq, hein, comme par exemple les quatre imams des mazahib et certains d'entre les grands savants de l'islam comme l'imam al-Bukhari, l'imam al-Tirmidhi et d'autres parmi les hommes de science. Et d'autres sont des mazahib et qui font des ijtihads ou bien qui vont juger selon les fondements d'un mazhab parmi les mazahib qui sont connus. Hein? Donc c'est des mujtahidin, mais un degré moins élevé parce qu'ils ont moins de connaissances ou moins de capacités. Et la personne qui a atteint ce degré, qui est arrivé à l'ijtihad, qu'il détient ou qui possède les outils nécessaires pour faire l'ijtihad, il n'est pas permis pour lui de prendre la position d'un autre savant sur une question dans laquelle il y a des divergences. C'est obligatoire pour lui de regarder dans la question, d'analyser les preuves et d'appliquer ce qu'il voit selon son ijtihad à lui. Il ne peut pas faire de taqlid, c'est-à-dire de suivre aveuglément. Entre celui qui va faire taqlid parmi le ham et le musulman parmi le commun des musulmans qui est, par exemple, certains qui sont illettrés ou bien qui n'ont pas des bases ou qui n'ont pas étudié rien des principes de la science, il y a une catégorie intermédiaire qu'on appelle al-muttabi', celui qui est, hein, qui suit la preuve. Il n'a pas atteint le degré de l'ijtihad, il n'est pas capable d'analyser les textes directement, yani pour extraire de ces textes-là les verdicts, mais il est capable de lire les preuves et de les connaître, et donc il va prendre une question selon sa preuve. Hein, et quand il voit que les mujtahidin ont divergé, hein, eh bien il va regarder les preuves de chacun et suivre ce qui est plus près de la preuve. Toutefois, il n'a pas, comme le mujtahid, la capacité yani, de rentrer dans les fondements des compréhensions des textes pour extraire ces verdicts-là. Donc c'est un degré entre les deux. Et souvent les gens, ils négligent ou ils prennent pas en considération cette catégorie-là et ils pensent que tout le monde qui ne sont pas mujtahidin sont obligés donc d'être des muqallidin, c'est-à-dire de suivre aveuglément. Mais la réalité c'est que parmi les gens, il y en a qui sont des tullab ilm, qui ont atteint un certain niveau dans la science, même s'ils ne sont pas des mujtahidin, mais ils comprennent les preuves des ulama qui sont mentionnées dans les hadiths et dans les versets, et ils savent donc distinguer entre les paroles des ulama en se basant sur la preuve. Et donc ceux-là sont ceux qu'on appelle les al-muttabi'un. Hein? Et il y a l'autre catégorie, hein, qu'on appelle al-ammi. Hein? Et al-ammi, c'est le musulman du commun, ou celui qui ne peut pas, qui connaît rien dans les questions de la science islamique. Et pour lui, il est obligatoire de suivre la personne qui lui donne les réponses à sa question dans l'islam. Donc, les ulama, ils disent que al-ammi ala madhhabi mufti. En réalité, l'ammi n'a pas de madhhab. C'est pour ça que les gens, parfois, ils disent, j'entends des gens qui disent, nous, on est sur le madhhab de l'imam Malik, on est maliki. Et la réalité, c'est pas vrai, parce que pour être maliki, ou shafi'i, ou hanbali, ou hanafi, il faut que tu connaisses les positions de ton imam, il faut que tu connaisses ses fondements et ses preuves, hein, sur les questions dans lesquelles tu le suis. Et la majorité des musulmans, hein, eh bien, ils ne connaissent pas ces choses-là, parce qu'ils ne les ont pas étudiées, ces choses-là. Donc, ils ne sont pas en réalité sur ces madhahib. En réalité, ils sont sur le madhahib de la personne qu'ils vont questionner lorsqu'ils ont besoin de connaître quelque chose dans la religion. Si le cheikh à qui ils demandent est un maliki, eh bien ils vont prendre cette position-là. Si le cheikh à qui ils vont demander est un hanbali, il va être sur cette position-là. Mais il n'a pas un madhahib en particulier. Hein? Et il y aurait beaucoup de choses encore à clarifier et à élaborer. Mais Inch'Allah, pour aujourd'hui, je pense que qu'est-ce qu'on a expliqué, c'est une bonne introduction. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la vie et nous donne la possibilité, Inch'Allah, et la capacité, eh bien, dans une autre occasion, on aura peut-être, Inch'Allah, la possibilité d'élaborer encore plus sur ce sujet-là et de lire le reste de ce que le Cheikh Bazmoul, Mohamed Bazmoul, Hafizahullah, a mentionné dans son livre. Et on espère que ça a été bénéfique pour vous. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous et pour vous le tawfiq et l'ikhlas dans nos paroles et dans nos actions. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.